Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Rêver d'étoiles avec le CNES, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, a 60 ans en 2021 et que ça nous a donné envie d'aller faire un tour dans l'espace et de voir comment l'homme pouvait s'y faire une place sans tout polluer. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un astronaute sous toutes les coutures, des expéditions spatiales, des débris, une femme qui était prête à quitter la Terre pour toujours et la poésie de l'infini. Mais pour commencer, dernier épisode, on arrive pile à l'heure au poste de contrôle. La place de l'humain dans l'espace, Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. On est au tout début de la journée. Toute l'équipe de l'ESA et la NASA se prépare aux activités du jour. Donc ce que vous entendez, c'est toutes les coordinations de toutes les expériences qui vont avoir lieu. On a le call flight, qui est notre flight director en fait, de la mission côté ESA, qui gère un petit peu tout, qui pose les questions. Voilà. On entend que chacun appelle call flight pour reporter ce qu'il va faire aujourd'hui. Et puis à 7h30, GMT, donc c'est l'équivalent de 9h30 chez nous, ça va être la réunion matinale de toutes les agences et tous les astronautes. C'est Thomas, sûrement, puisqu'il est commandeur, qui va appeler pour dire qu'on commence la journée. Toutes les agences sont là, donc la NASA, la JAXA, la CSA, le Canada, les Russes, nous, les Européens. On discute un petit peu du briefing de la journée, s'il y a des questions. Et après ça, c'est le début, donc ça commence. Nous, on a la première activité du jour ici au CANMOS, donc on va commencer direct. Voilà. Laure Boyer, donc opérateur sur l'activité Tetris qu'on va faire aujourd'hui avec Thomas, qui est une activité étudiante, pour regarder les ondes acoustiques en micro-pesanteur, comment elles évoluent. Alors vous allez voir, c'est très exact hein, ici, quand on dit à 7h30, c'est à 7h30 hein, qu'on démarre. Voilà. Donc Rémi Canton, c'est vous qui dirigez en fait la mission Alpha et toutes les opérations qui ont été emmenées par Thomas Pesquet. Comme expérience, on en a 12, je vais essayer d'être un petit peu succinct. On en a en sciences de la matière, c'est-à-dire qu'on étudie les matériaux ou les fluides de manière générale parce que c'est un environnement très particulier, l'impesanteur. Donc on a ce qu'on appelle une pince acoustique qui permet, avec des ondes ultrasonores, de piéger des petites particules et de les déplacer sans contact. Donc ça peut être important comme outil pour l'astronaute. On a aussi des applications médicales en vue derrière, je pourrais éventuellement en parler. On utilise un casque de réalité virtuelle pour faire des expériences en neurosciences, pour étudier le fonctionnement du cerveau, son comportement, son adaptation, pour faire des tâches de télérobotique, c'est-à-dire de robotique à distance, donc avec aussi des sensations tactiles pour voir si jamais on devait piloter un rover sur la Lune alors qu'on est soi-même en orbite autour de la Lune, ben quand on sent pas son propre poids, la dextérité, la motricité fine est affectée, donc on essaie de comprendre ça, la coordination entre la main et l'œil. On utilise ce casque de réalité virtuelle également pour faire des séances de sport en réalité virtuelle parce qu'il doit faire 2 heures d'activité physique par jour pour se maintenir en forme pour préparer le retour, et ils le font dans un environnement clos, immuable, et donc il y a déjà cet aspect confinement. Donc pour l'aspect psychologique et derrière pour la partie motivation et efficacité de l'astronaute, on essaie d'apporter ce confort entre guillemets, même s'ils sont évidemment pas à plaindre. Comme ce sont des missions de longue durée et que peut-être qu'on en fera des un peu plus longues aussi, on étudie le sommeil. Donc Thomas a porté un bandeau du sommeil avant son vol pour avoir une référence, puis au cours du vol, au début, au milieu et à la fin, pour voir l'évolution et éventuellement l'adaptation des différentes phases du sommeil, la durée d'endormissement, la durée totale, sa respiration, le rythme cardiaque. Une autre que je peux évoquer, c'est l'expérience Lumina qui vise à étudier les radiations. Les radiations, c'est pas trop un problème encore tant qu'on est en orbite basse. C'est le cas de la station, on est à 400 km. On est protégé par le bouclier magnétique terrestre, c'est comme un aimant. Mais dès qu'on va revenir sur la Lune ou a fortiori aller sur Mars, on ne va plus du tout être protégé. Les radiations, c'est le problème principal au niveau santé humaine. Et donc pour être capable de s'en protéger, parce qu'il faudra s'en protéger, il faut être capable de mieux mesurer, mieux les prédire, détecter vraiment les signaux très faibles. Donc on a une nouvelle technologie à base de fibre optique pour mesurer ces radiations-là. Donc si on est capable très tôt, si on a une mesure très précise, très fine, on va être capable de mesurer très tôt, de détecter un événement radiatif assez précoce, avec une heure de préavis, on va dire. Et ça permettra ensuite de s'en protéger dans des... Et ça, c'est un autre domaine, de se protéger des radiations. Et alors vous, Sylvestre Maurice, vous travaillez sur quoi en particulier ? Alors, dans la famille des planétologues, astrophysiciens planétologues, spécialistes des planètes, moi, j'ai travaillé pendant très longtemps où je travaille sur l'eau. L'eau est toujours quelque chose qui m'a fasciné, la distribution d'eau, qui dans le système est souvent sous forme de glace. Et j'ai eu la chance de travailler sur la distribution d'eau sur Mars, sur la Lune, même sur Mercure, qui est une planète chaude et pourtant qui a de l'eau. Et puis, en revenant vers Mars, décidé de descendre à la surface de Mars. Avant, c'était des mesures orbitales. Et maintenant, je travaille sur des robots d'exploration martienne. L'un s'appelle Curiosity, l'autre s'appelle Perseverance, le dernier s'appelle Zhurong. Il est un robot chinois. Et sur ces robots, j'aime comprendre plus que l'eau, la composition des roches, de quoi finalement est fait Mars. Donc mathématiques, c'est l'étude des surfaces planétaires. Alors on voit aujourd'hui que beaucoup de recherches sont vraiment orientées sur la possibilité d'une présence humaine dans l'espace. Quel est votre avis là-dessus ? La présence des humains dans l'espace, ça c'est très important. C'est bien d'envoyer des robots. Et les robots sont précurseurs. Les robots sont allés sur la Lune avant que les hommes y soient. Les robots sont sur Mars. Donc il n'y a pas d'opposition entre les machines et l'exploration habitée. L'exploration habitée a cela de plus qu'elle incarne le rêve, elle incarne l'exploit, l'inspiration. Mais pour ce faire, elle a besoin d'une somme de développement technologique. Ils ne sont pas forcément scientifiques. La science, c'est les grandes questions. La technologie, c'est je fais du matériel. Et là, pour envoyer un jour des astronautes sur Mars, il va falloir en créer du matériel. Donc, on est dans la recherche technologique, les avancées technologiques pour le faire. J'espère que ça se fera. On a vite compris que ce qu'avaient fait les premiers astronautes sur la Lune, c'était exceptionnel. C'était pas si simple de le refaire, donc on va se donner pour mission, avant de partir vers Mars, de d'abord refaire la Lune. Et donc on a tout un engouement là dans la décennie pour aller vers la Lune, pour poser des humains sur la Lune et les laisser plus longtemps que les quelques heures, voire les quelques jours qu'ils ont fait, faire des allers-retours entre l'orbite et la surface. Ça, on va le faire. Et après, quand on sera fort, on ira vers Mars. Florence Porcel, en 2014, donc vous avez participé à un concours pour aller sur Mars. Oui, absolument. Ça s'appelait Mars One et ça a été créé par un ingénieur néerlandais qui s'appelle Bas Lansdorp et qui, devant la frilosité des agences spatiales gouvernementales à faire des programmes d'envoi d'êtres humains sur Mars, s'est dit « je vais lancer ma propre mission ». Lui, ce qu'il voulait, c'est que n'importe qui puisse participer à ce projet. Donc n'importe qui, ça veut dire des gens qui ne sont pas astronautes. Il fallait juste être majeur, savoir parler anglais et avoir l'esprit d'aventure. Et donc je me suis dit je ne serai jamais astronaute parce que j'ai pas le profil pour l'être, malheureusement. Donc j'ai tenté ma chance. Et voilà, et c'était ça a commencé comme le recrutement classique d'astronautes, par exemple comme les astronautes européens, c'est-à-dire il faut remplir un dossier en ligne et puis l'envoyer. Et je sais plus combien il y avait de candidatures envoyées dans le monde, mais quelques centaines de milliers. Et il se trouve que dès le premier tour, ça a été réduit à 1 millier de personnes et j'étais dedans. Le profit de cette mission, c'était que c'était un aller sans retour. C'est pas une mission classique d'astronaute, une mission d'exploration. On part en mission comme Thomas Pesquet, par exemple, on y va puis on revient. Là, c'était vraiment pour des raisons essentiellement, je crois, de coût, tout simplement, d'envoyer 4 personnes, puis 8, puis 12, puis 16, etc., s'installer, vivre dans une base permanente sur Mars. Et en fait, moi, j'ai un rêve de petite fille. Je voulais aller visiter tous les mondes de l'univers. Bon, je ne savais pas que l'univers était si vaste. Mais donc je me suis dit, là, on me donne l'occasion d'aller peut-être visiter un autre de ces mondes, donc pourquoi pas. Et c'est à partir de là que j'ai été éliminée. Donc je n'avais pas fait partie des 100 derniers candidats en lice avant que le projet soit abandonné. Et en parallèle à ça, il y a une association américaine qui s'appelle la Mars Society. Cette association possède plusieurs habitats, dont un qui se situe dans le désert de l'Utah aux États-Unis, et ces habitats reconstituent ce qui pourrait être un futur habitat martien. Donc ce qu'on pourrait construire sur Mars pour accueillir les premiers marsonautes. Et depuis des années, ça fait une quinzaine d'années je crois, qu'il organise tous les 15 jours des missions de simulation de séjour martien pour des équipages de 4 à 7 personnes, qui sont en général des scientifiques et des ingénieurs, mais qui peuvent aussi être des journalistes, des communicants, des artistes. Et donc, une amie à moi montait une mission. Alors, elle, son métier aujourd'hui, c'est de réussir à faire pousser des plantes dans des environnements extraterrestres et m'a proposé de faire partie de l'aventure en tant que crew journaliste. Ça consistait à simuler un séjour sur Mars. Donc c'est en plein désert et on est enfermé là-dedans pendant 15 jours. On ne sort qu'avec des scaphandres en simulant un sas de décompression à l'aller et au retour. On simule le temps-lumière qu'il faut pour les messages, les mails par exemple, de communication entre la Terre et Mars. On mange exactement comme les astronautes, donc de la nourriture lyophilisée. On est rationné en eau, on est rationné en énergie et on conduit des expériences scientifiques. On est aussi soumis à des expériences de psychologie pour savoir comment on interagit au milieu du groupe et comment ça évolue au fil du temps. On fait du sport tous les jours. Enfin, on simule vraiment une mission d'astronaute comme si on était sur Mars, dans un décor qui est vraiment martien parce que tout est rouge autour. On avait vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Et ce que je retiens de ces 15 jours, c'est vraiment il y a une expérience qu'on faisait en extérieur, donc on sortait avec nos scaphandres et nos quads pour aller un petit peu plus loin de la base, c'est que c'était une expérience de neurosciences pour évaluer comment on évaluait les distances dans un environnement sans point de repère. Donc on était dans un désert, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien, c'est vraiment un désert minéral avec des collines et des cailloux. Et ça rejoint les difficultés qu'ont eues les astronautes sur la Lune lors des missions Apollo à évaluer les distances qu'il y avait entre eux et par exemple un petit cratère ou une montagne. Parce que quand il n'y a pas de point de repère comme un arbre ou une maison, on ne sait pas si le cratère ou la montagne était à 10 mètres, 100 mètres ou 1 km. Il y a vraiment des accidents qu'il a failli avoir sur la Lune parce qu'un cratère se trouvait soit trop près, soit trop loin que ce qu'on pensait. Donc on avait une balle verte dans ce désert rouge et on fermait les yeux, la balle verte était mise à un tel endroit et on devait estimer est-ce qu'elle est à 2 mètres, à 3 mètres, à 5 mètres, etc. C'était vraiment une expérience qu'on a faite sur les 15 jours à 6 personnes pour avoir vraiment beaucoup de données et il me semble que les résultats c'était qu'on sous-évaluait les distances. Et donc c'est vraiment important à savoir pour les futures missions lunaires ou martiennes. Donc là, Rémi Canton va visiter avec vous le Cadmos. C'est un peu le temple des expériences. On va vous amener dans les coulisses pour voir nos laboratoires. C'est là qu'effectivement, on essaie de mettre au point nos expériences, qu'on les teste, qu'on s'entraîne, qu'on entraîne un peu les astronautes, nous aussi au niveau contrôleur. On a la réplique de certains matériels aussi pour, encore une fois, pour s'entraîner ou pour nous aider pendant les opérations, pour avoir le jumeau au sol pour pouvoir comparer. Ce qui est assez original dans notre métier, c'est qu'on travaille à la fois sur des technologies très très avancées, donc on a ce côté un peu futuriste, et en parallèle, et c'est paradoxal, on doit faire des fois avec un peu de briques et de broc et utiliser des choses qu'on bricole. Il y a un petit côté MacGyver et on est toujours entre ce côté avant-gardiste et ce côté MacGyver, faire la jonction des deux, c'est assez intéressant. Voilà. Ça c'est le modèle vol de la pince Télémac, la pince acoustique. C'est vraiment un pommeau de douche. On dirait vraiment, voilà. Et les taches noires, là, c'est les transducteurs. Et une petite bille de polystyrène. Ah, elle flotte vraiment. Et voilà, elle est vraiment en lévitation. Là. C'est vraiment la lévitation acoustique, en fait. On entend un peu les ultrasons, là. Oui, très bien. Elle est vraiment tenue, quoi. Oui, c'est très rigide, oui. C'est impressionnant. On remet là. Et là au sol, avec si on fait quelque chose de plus lourd que la couche de polystyrène, là, surtout quand il va le mettre à l'envers, la force de pesanteur va gagner. Mais là, on voit que même en secouant assez fort, elle bouge pas. C'est dingue. Ça peut soit servir d'outil pour l'astronaute pour déplacer, par exemple, une goutte de sang pour pas la souiller, ou d'un produit toxique pour s'en protéger soi-même. Et dans les applications médicales qu'on envisage, de la même manière là, qu'on va déplacer un petit solide, un petit matériau dans de l'air, c'est assez similaire à déplacer un petit matériau dans un liquide au sol. Et donc, par exemple, pour l'expulsion de calculs rénaux, on essaie d'imaginer d'une manière non-invasive être capable de tirer un calcul rénal et de l'expulser de cette façon. Ou une autre application possible, si on emprisonne des nanoparticules médicamenteuses dans des bulles, on pourrait déplacer cette petite bulle dans les vaisseaux et éventuellement dans les cellules pour ensuite faire éclater la cellule au bon endroit. C'est ce qu'on appelle la délivrance ciblée de médicaments. Donc ça a besoin d'être testé en impesanteur parce qu'on ne peut pas vraiment le tester sur Terre ou alors directement dans le corps humain, mais avant de le faire dans le corps humain, il faut s'assurer que tout est bon. Donc là, on est dans le laboratoire de physiologie du Cadmos. On a devant nous ce qu'on appelle l'EPM, en anglais European Physiology Module, donc le module de physiologie européenne, qui est la réplique exacte du module qui est dans le module Columbus, qui est le module européen dans la station. Et nous, en tant que centre opérationnel, notre discipline de prédilection, c'est justement la physiologie humaine avec l'homme qui est au cœur de la boucle. On a vu qu'on pouvait étudier les matériaux, les fluides, mais étudier l'homme, c'est quand même un peu notre spécialité. Ça ne se verra pas à la radio, mais ça donne une petite idée du volume intérieur de la station, de comment ça peut être. On peut y brancher aussi différentes expériences dessus, de récupérer des données. Toutes ces recherches qu'on fait pour mieux comprendre les mécanismes physiologiques qu'on observe Audrey Berthier. En impesanteur, en fait, ont leur parallèle terrestre. Ces troubles qu'on observe en impesanteur s'apparentent à des troubles presque de vieillissement accéléré mais réversible. Et chacun de ces troubles, ou quasiment tous ces troubles, ont un parallèle terrestre. Si on prend l'exemple de la perte osseuse, c'est l'ostéoporose, la perte musculaire, ça va être la sarcopénie, les troubles métaboliques, d'autres similitudes. Et donc ces recherches, en fait, utilisent ces modèles cliniques pour le spatial, mais aussi plus généralement pour comprendre des mécanismes qu'on observe sur certaines maladies terrestres et pour avoir des applications en recherche médicale. Une partie de la physiologie sur laquelle on est assez expert, c'est tout ce qui est Rémi Canton. Cardiovasculaire, et notamment sur la partie échographie. Pour la première mission de Thomas, on avait développé un échographe téléopéré, c'est-à-dire que au lieu que ça soit un astronaute qui fasse une échographie à un autre, puisque c'est pas forcément leur métier, c'est d'avoir l'échographie faite directement au sol par un échographiste. Là, ce sur quoi Aristide est en train de travailler, c'est la partie échographie. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je vais venir placer la sonde exactement à l'endroit qu'on m'indique. Thévenon Aristée. Et là, comme dans un jeu vidéo, la position est validée et on va pouvoir acquérir l'image. Donc l'astronaute, en fait, aura des lunettes et va avoir des repères visuels qui vont être projetés directement sur le corps du sujet pour lui indiquer quoi faire. Ça, c'est faisable tant qu'on est en orbite autour de la Terre. Quand on va être plus loin, pour des raisons de délai, ça va être un petit peu plus compliqué. Et là, on se prépare ou quand justement ce délai empêchera quelqu'un au sol de faire l'échographie à bord, ou faudra que l'autonomie soit complète à bord. Donc là, on essaie de donner une autonomie à l'astronaute pour faire ses échographies via la réalité augmentée. Donc ça va lui donner le guidé sur le corps humain pour comment faire une meilleure échographie. Et également de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance automatique d'organes où l'échographe, la machine, sera finalement suffisamment entraînée elle-même pour aller chercher l'organe et les informations dont elle a besoin. Voilà. Ensuite, ici, j'ai le bandeau du sommeil de l'expérience DREAM. Donc il est assez léger, alors il est encore plus léger quand on le porte en impesanteur, on sent plus le poids sur sa tête. Et donc sur la partie frontale ici, il y a plusieurs électrodes sèches, donc pas besoin de mettre de gel pour faire la connexion. Et donc ça fait un électroencéphalogramme, ça enregistre l'activité cérébrale. Et c'est à partir de ce signal-là qu'on va pouvoir mesurer et quantifier le sommeil, les différentes phases, la nature des phases. Il y a également un accéléromètre, donc on va pouvoir étudier les mouvements de l'astronaute quand il se retourne un peu dans son lit comme nous. Sauf que c'est pas un lit. Sauf que c'est pas un lit, c'est plutôt un sac de couchage. Mais suspendu, quoi. Suspendu, mais voilà, il peut avoir besoin de bouger et peut-être justement différemment de nous, et ça, personne vraiment ne l'observe, ils sont pas filmés pendant leur nuit, mais ça va pouvoir mesurer voilà, leur respiration. Est-ce que le cycle respiratoire est le même que le nôtre en impesanteur? Est-ce qu'il évolue au cours du vol? Est-ce que la récupération du sommeil se fait de manière identique? Est-ce que les phases sont plus longues, plus courtes, plus nombreuses, différentes? Pour que ça ait une valeur statistique, évidemment, il ne faut pas uniquement le sommeil de Thomas, on ne pourra pas en déduire grand-chose. Par contre, si on a plusieurs sujets, ça va être le cas, on va avoir au moins l'Allemand Matthias Maurer derrière qui va prendre le relais de Thomas, notamment sur cette expérience. Et est-ce qu'ils sont tous suspendus comme des chauves-souris là? Ils dorment tous au même endroit ou comment ça se passe? Alors chacun a son box, ça ressemble un peu plus à une cabine téléphonique, pour ceux qui ont connu les cabines téléphoniques. Donc c'est un endroit assez exigu, sur une paroi il y a un sac de couchage on va dire, donc il y a on ne sait pas vraiment s'il n'y a pas de haut, pas de bas, donc pas vraiment de référence. Il faut leur tenir un petit peu la tête, aussi un petit peu les bras, sinon ils peuvent revenir devant leur visage et leur faire un petit peu peur quand ils se réveillent. Il y a une petite ventilation aussi pour éliminer le CO2 qui aurait tendance à s'accumuler devant la bouche de l'astronaute. Et donc c'est vrai que la sensation de sommeil est un peu, enfin, en tout cas pour s'endormir, différente de nos sensations terriennes, puisque voilà, on ne ressent pas son poids, on n'appuie plus sur le lit, on ne ressent plus le poids du sac de couchage ou des draps sur soi-même. Donc cette sensation tactile, elle peut perturbé au départ, après c'est une histoire d'habitude un peu comme tout le monde. Voilà, c'est tout ça qu'on essaie d'étudier pour les missions surtout de longue durée, parce que si on se rend compte que l'astronaute par exemple récupérait de moins en moins bien, bah, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire pour s'assurer que pour des missions plus longues ça se passe bien. Maintenant qu'on a analysé les ondes cérébrales de manière beaucoup plus fine, en fait c'est pas en appuyant sur un bouton de ce serre-tête qu'on va faire dormir une personne. Non, mais c'est une bonne question, parce qu'en plus de la mesure, il y a des techniques de relaxation, parce qu'il y a du son qui peut être produit par ce bandeau. Donc il y a différentes techniques de relaxation, alors qui marchent au sol, mais peut-être qu'elles auraient besoin d'être adaptées en impesanteur, et faire un peu d'aide à l'endormissement. Mais bon, il ne peut pas encore enregistrer les rêves, quand même. Non, on n'en est pas encore là. Mais pas loin, puisqu'on enregistre ses ondes cérébrales. Donc, si on savait les interpréter, on pourrait, pourquoi pas, observer ses rêves. Roland Lehoucq, moi je pensais que c'était Arthur Clarke qui avait inventé l'idée de l'ascenseur spatial, mais en fait non, des ingénieurs avaient vraiment sérieusement envisagé cette question auparavant. Alors on va déjà décrire l'objet. Alors, l'ascenseur spatial, c'est l'idée que pour accéder à l'espace, on pourrait se passer de fusée et tendre un câble entre l'orbite géostationnaire et le sol, et en fait, en pratique, pour que le câble soit en équilibre entre son poids, qui le tire vers le centre de la Terre, et la force centrifuge, puisqu'il est accroché à la Terre et qu'il tourne avec la Terre à la manière d'une fronde, eh bien que ce câble doit faire 144 000 km de long, avec comme point central, si j'ose dire, comme point important, l'orbite géostationnaire, c'est-à-dire l'endroit où un satellite en révolution, en orbite autour de la Terre, a une période exactement égale à la période de révolution, de rotation de la Terre sur elle-même, donc 23h56 minutes. À cet endroit-là, à cette position-là, il y aura une base. Il suffirait de monter le long du câble, d'atteindre cette base, et là, ensuite, vous prenez un satellite, vous le posez dans l'espace et il orbite à la bonne vitesse, à la bonne position autour de la Terre. Cet ascenseur spatial, pour l'instant, on ne l'a pas encore construit. Arthur Clarke l'a mis en scène de manière tout à fait spectaculaire dans un roman qui s'appelle Les Fontaines du Paradis, qui est sorti dans les années 70. Et si Arthur Clarke l'a mise en scène, ça n'est pas le premier à l'avoir imaginé. Jack et le haricot géant, on va dire ça comme ça. Bon, ça, c'est pas vraiment un ascenseur spatial, mais c'est l'idée qu'en faisant pousser une plante très, très, très, très, très haut, on finisse par grimpant le long de cette plante, atteindre des altitudes considérables. Konstantin Tsiolkovsky, lui aussi un des pionniers de l'astronautique, fin du 19e, l'avait imaginé après un voyage à Paris où il a découvert la Tour Eiffel, qui était quand même quelque chose d'absolument incroyable pour son époque, se disant « mais il suffirait de faire une tour Eiffel gigantesque, 36 000 km de haut, donc on imagine sans peine l'artefact à construire, la tour à construire, on pourrait, à l'altitude de 36 000 km, qui est justement l'altitude géostationnaire, mettre en orbite un objet, simplement en le posant dans l'espace et en montant les marches une par une, ça serait assez long, assez pénible, avec le satellite, la station que l'on veut mettre en orbite. Un russe qui s'appelle Yuri Artsonatov, en 1960, a publié un texte qui propose ce qu'il appelait le funiculaire cosmique. Et là, ça ressemble vraiment à, disons, l'ascenseur spatial, c'est-à-dire un câble tendu le long duquel on monte pour atteindre l'orbite géostationnaire et éventuellement au-delà. Et puis, Clarke, qui est un scientifique, enfin d'une formation scientifique. Il a été opérateur de radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a un goût très prononcé pour les sciences, pour l'astronomie en particulier. C'est un auteur de science-fiction. Il met en scène un ascenseur spatial avec un roman qui a quelques succès. Et finalement, ça permet le transfert, c'est non pas la science-fiction qui a eu l'idée, mais le transfert de cette idée, disons, du monde soviétique au monde américain. Et là, un ingénieur s'appelle Jérôme Pearson, cette idée, il se dit c'est génial, pourquoi pas. Et là, du côté occidental, commence à travailler très sérieusement sur l'ascenseur spatial. On n'est toujours pas capable de fabriquer un ascenseur spatial, parce qu'il est inutile de vous dire que la matière du câble a des spécifications techniques très particulières, qui doit être à la fois légère et extraordinairement résistante. Jusqu'à les années 90, ce matériau n'existait pas, et maintenant on sait que les nanotubes de carbone pourraient être le bon matériau, à la contrainte près qu'il en faut. Il faut être capable d'en tisser des brins, des fils et les assembler de plusieurs centaines de milliers de kilomètres de long. Pour l'instant, on ne sait fabriquer des nanotubes de carbone que de quelques dizaines de centimètres de long. Bref, l'ascenseur spatial, c'est un sujet absolument génial. On n'est pas encore peut-être prêt à le faire, mais c'est encore une fois un de ces allers-retours entre réel et fiction que l'histoire a mis en scène. Alors, vous voyez, les bandes qu'on voit là-haut, la bande rouge, la bande orange, en fait, c'est notre connexion à la station. Donc, quand on est en LOS, ça veut dire Loss of Signal. Ça veut dire qu'on est déconnecté, que ce soit au niveau des voix, au niveau de la vidéo, au niveau des données, on n'a rien. On est déconnecté pendant encore 1 minute 43 secondes. Et oui, stand by. Mais on passe par des satellites géostationnaires qui sont des satellites relais, un peu comme un GPS pour nous. Et ben, quand on bascule d'un satellite à l'autre, il y a un petit temps de bascule qui fait qu'on peut perdre le signal, soit audio, soit vidéo, ça dépend. Là, on voit aussi là, les... La preuve par l'image qu'on tourne assez vite autour de la Terre, puisqu'on a grosso modo, on fait le tour de la Terre en 1h30, puisque la station va à 28 000 km/h, et donc c'est une succession de jours et de nuits. Alors on voit qu'elles ne sont pas strictement égales, mais grosso modo c'est 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit, suivant la durée des opérations, pour avoir peut-être quelques levées et couchers de soleil. Alors bientôt, pour eux. Voilà, c'est ça, c'est fin d'une première journée. Laure Boyer. Donc ici, c'est le planning des astronautes, leur activité du jour, et c'est un planning qu'on partage tous les centres. Ce qui est vert, c'est l'activité dans laquelle est l'astronaute, et ce qui est gris, c'est ce qu'il a déjà fait. Et ici, c'est la barre de temps, d'évolution du temps. Chaque ligne, ça correspond à un astronaute. Nous, on a les activités colorées en rose aujourd'hui. Donc on voit qu'ils ont une timeline très très chargée, avec des toutes petites pauses hein, entre deux activités. Ici, c'est le repas du midi. En plus, ils parlent du repas de ce midi. Donc... Je bluffe. Hein. C'est même difficile, on essaye de les avoir pour qu'ils puissent manger ensemble, pour que ce soit un petit peu sympa quand même la vie dans la station, mais on voit qu'à Calais avec toutes les activités c'est difficile. On voit qu'ils ont du sport obligatoire tous, au moins 2 heures par jour, donc là c'est du tapis. Et ici c'est une sorte arrête, c'est de la muscu multiple et variée. Et puis tout le reste c'est des activités finalement scientifiques ou des démonstrateurs technologiques ou alors des activités de maintenance, parce qu'il faut quand même s'en occuper de la station, voilà. Au CNES, on peut cibler des thématiques. On a parlé des radiations, on a aussi l'aspect nutrition et on a l'aspect santé. Et en quelque sorte, la salle d'opération sur la Lune, on aimerait bien en être en grande partie responsable. Nutrition, c'est emballage pain d'épices, on a compris. Et également le suivi nutritionnel, on essaie de travailler sur un robot culinaire autonome qui soit capable à la fois de gérer les stocks de produits frais, de connaître le bilan nutritionnel des astronautes, d'avoir en base de données tout un ensemble de recettes et d'avoir les capacités, parce que c'est compliqué en gravité nulle ou réduite, de faire des mélanges, des émulsions, de peser, de chauffer, de refroidir. Et là, il fallait que ce soit la France qui fasse ça quand même. Ben exactement, on s'est dit que si c'était vraiment une de nos chasses gardées qu'il ne fallait pas lâcher. Donc nous, trivialement, voilà, c'est un petit peu comme notre thermomix de l'espace. Donc la première étape, ça sera de faire une mousse au chocolat, être capable de faire une émulsion dans l'espace, parce que c'est déjà pas forcément simple sur Terre. Alors on l'a testé en vol parabolique pour trouver le bon système de pâle de mélange, parce qu'il faut être capable d'entraîner avec la vitesse qui va bien et puis sans adhérer aux parois. Enfin, il faut pas que tout tourne en même temps. Il y a encore un an de développement à peu près et on devrait pouvoir faire ça l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on voit comme si on y était. Mais on y est, on est dans le laboratoire Columbus. Par la pensée, carrément. On a eu des pieds volés. Il faudrait remarquer en fait que la caractéristique principale des activités sur la station spatiale, c'est qu'on a une visibilité continue. Là, ce que vous voyez, c'est du temps réel en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier et très spécifique du vol habité. Et votre nom, c'est comment ? C'est Mauro Augelli. Alors là, justement, on voit qu'il fait nuit en ce moment sur cette tranche et on est bientôt le matin de nouveau. Oui, tout à fait, ouais. C'est une des, c'est une des 15 ou 16 jours et nuits qui se passent sur 24 heures, exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là ? On va avoir troubleshooting de Technologic Box. Donc c'est l'expérience que nous on appelle Tetris, l'expérience étudiante que Thomas va installer. Et on va pouvoir observer l'ensemble de contrôle. Donc les contrôleurs se mettent en place, quelques étudiants aussi. Moi, je vais être ce qu'on appelle l'opérateur de l'expérience. Si Thomas a une quelconque question, ça va passer par l'Eurocom qui, lui, se situe à Cologne, qui est le responsable interface pour discuter avec la station. Et c'est moi qui vais lui donner la réponse de qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, c'est le poste d'opérateur. Et nos collègues de devant, ils travaillent sur l'opération qui se passe en cours maintenant. Ils sont responsables des systèmes. Tout ce qui est interface avec la station, c'est-à-dire le son, s'assurer qu'on a la vidéo et s'assurer, par exemple, quand on doit descendre des données, ça télécharge effectivement. Bon, déjà, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de matériel, il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de branchements à faire. Et puis quand on sort une expérience, on va sortir d'un rack ou d'un tiroir, la déballer, il y a la trousse d'emballage qu'il faut remettre à sa place. Puis une fois qu'on a fait l'expérience, il faut la ranger. Donc si on fait pas ça au fur et à mesure, les appareils photo, tout ça, les ordinateurs, ça peut effectivement être un grand bazar visuel. Après, on est censé ranger un peu au fur et à mesure pour retrouver le matériel. Et là, justement, dans son planning, il y a le temps de ménage qui est prévu ? Oui, alors la partie ménage, vraiment au sens un peu strict du terme, c'est surtout le samedi. Donc il commence, étape 1, allumer toutes les lumières dans Columbus, étape 2, orienter la caméra, etc. C'est une expérience qui a été lancée par le ministère de la Recherche pour encourager les étudiants à proposer des expériences qui pourraient monter dans l'ISS. Alors il y avait quelques contraintes, je pense, de taille, d'autonomie ou de durée de l'expérience. Et celle-ci a été sélectionnée. Et donc voilà, c'est quand même une grande réussite pour les étudiants parce que leur, ce qu'ils appellent Technology Box, est montée là-haut, elle est autonome, elle fonctionne quand même relativement bien, c'est-à-dire on arrive à enregistrer des données, qui sont des données vidéo, à les faire descendre, enfin tout fonctionne bien, à part cette histoire de billes qui sont collées aux parois à cause de l'électrostatisme, mais ça c'est, j'ai envie de dire, toutes les expériences qu'on monte ont une petite surprise due à la micro-pesanteur ou au fait d'être dans un vol spatial, et c'est pour ça que d'ailleurs on est là, les opérateurs derrière, c'est pour assurer le suivi de l'expérience, pour corriger les éventuels problèmes, etc. And we could be thanks for reporting. Donc là, on a travaillé avec l'unité de mesure physique de Toulouse et le but, c'est de visualiser les ondes acoustiques. Au sol, on peut les observer qu'en deux dimensions. Si on met du sable sur un haut-parleur, en vibrant, ça va faire des petites formes. Si on change la fréquence, la forme va changer. Et donc là, c'est vraiment de les observer en trois dimensions. Le boîtier noir là, qui vient de passer derrière l'épaule de Thomas, c'est l'expérience Lumina, donc qui est branchée en permanence. C'est l'expérience de mesure des radiations. Parce qu'autant certaines expériences, elles durent voilà, une heure, deux heures, là, c'est de la mesure continue. C'est qu'on veut, et on va même, ça va rester accroché là, dans le module Columbus pendant entre 1 et 5 ans. On veut voir quand on passe au-dessus de ce qu'on appelle l'anomalie Atlantique Sud. En fait, il y a une zone à l'est de l'Amérique du Sud où il y a alors c'est pas un trou dans la couche d'ozone, c'est plutôt un trou dans la protection magnétique terrestre où voilà, il y a plus de radiation qui passe et c'est connu, il y a deux zones, les pôles, la station ne passe pas au-dessus des pôles et donc il y a toujours un pic de radiation là, donc ça va pouvoir le mesurer de manière statistique. Donc là, Thomas Secou, Technology Box, pour essayer de décrocher les particules qui ont un peu tendance par électricité statique à s'accrocher aux parois. Mais ça fait partie des procédures. Hein. Il secoue un grille-pain, puis il y a des petites antennes qui bougent, c'est assez rigolo. Dans la procédure, c'est marqué en toutes lettres « Shake shake the box like a maracas ». Il y a quelque chose de un peu curieux dans la situation actuelle, parce qu'elle ressemble à la situation des origines de la fiction. Roland Le Houx. Si on prend les origines du voyage dans l'espace vers la Lune, une des origines possibles, en tout cas une origine pour la France très emblématique, est le voyage vers la Lune que raconte Jules Verne dans De la Terre à la Lune. On y va en obus. Bon, bien sûr, on n'y va pas du tout avec les moyens modernes. Et puis, y aller en obus, soi-disant passant, c'est extraordinairement dangereux. Vu l'accélération initiale, les passagers devraient être réduits à l'état d'une bouillie rougeâtre au fond de la capsule. Donc, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Néanmoins, qui fait ça? C'est le Gun Club. Donc, c'est un club privé qui choisit d'aller dans l'espace. Dans un autre film, qui est Une femme dans la Lune, Fritz Lang, 1929, ce sont des privés qui vont dans l'espace. Dans un autre film encore, américain cette fois-ci, Destination Moon, 1950, Irving Pichel, ce sont aussi des privés qui vont dans l'espace, que là, on est vraiment dans la pure ligne américaine. L'État, cet incompétent, ne réussira jamais à nous faire aller dans l'espace avant les communistes. Bon, donc il faut que le privé s'en occupe. Donc on démarre dans une ambiance spatiale, disons de Jules Verne à Fritz Lang jusqu'à Irving Pichel. On va dans l'espace par les moyens privés. Et puis le réel, c'est que c'est les grands pays, les grandes agences spatiales qui ont été capables d'aller dans l'espace en général, et sur la Lune en particulier. On voit bien qu'il y a eu un écart considérable entre le réel et la fiction. Et maintenant, finalement, il y a au moins un entrepreneur privé, peut-être d'autres encore, qui sont en train d'essayer de mettre un pied dans l'espace. Bref, on est en train de passer d'un espace exploratoire extraordinairement coûteux que seules les grandes agences nationales et par des coopérations internationales éventuellement sont capables de mettre au point ces grands projets spatiaux, à maintenant une sorte de, je ne vais pas dire démocratisation, parce que bon, tout le monde n'a pas la fortune d'Elon Musk malgré tout, hein, mais de moyens où c'est d'autres acteurs que les acteurs étatiques qui vont dans l'espace, avec l'idée qu'il faudrait finalement industrialiser l'espace, qu'il faudrait rendre l'espace accessible à de plus grands nombres d'acteurs, de sorte que une saine compétition, on peut discuter sur la notion de saine compétition, mais enfin une saine compétition puisse aboutir à abaisser les prix, améliorer les techniques pour donner un accès plus facile en termes de fréquence et plus facile en termes de coût. Quand on est dans l'espace, on n'est jamais très loin du militaire et bien sûr aussi de ce qui est tout à fait légitime, disons, des télécommunications, de l'observation de la Terre, de la gestion de la Terre. En ces temps de réchauffement climatique manifeste et de plus en plus prononcé, on est quand même bien content de pouvoir observer la Terre de sorte à pouvoir, disons, gérer au moins mal les conséquences de notre action un peu désordonnée à la surface de la Terre. Et puis pour l'astrophysique, moi qui suis astrophysicien, évidemment, quand on tourne les engins vers le ciel, c'est un point d'observation absolument étonnant, spectaculaire. Sans jamais oublier que les détecteurs de l'astrophysique, les détecteurs infrarouges par exemple, sont issus du monde militaire. Cette histoire-là, il faut l'avoir en tête, on ne peut pas complètement oublier ça et se complaire dans une vision idéaliste peut-être, un peu trop naïve peut-être de l'espace qui serait « for all mankind », pour toute l'humanité, comme dirait le film. Il y a aussi d'autres choses qui s'y passent et qui sont d'un ordre plus, on va dire, de la compétition. Faut pas être naïf, hein. Il n'y a pas que les budgets scientifiques qui seront poussés, il y aura aussi tout un tas d'autres choses qui ressortent plus de la volonté de puissance, de l'affirmation scientifique et technique, donc d'exploration bien sûr, mais pour une volonté de puissance, avec maintenant, si on doit retourner sur la Lune, l'émission Apollo, on est allé sur la Lune et puis ça s'est arrêté parce qu'on n'avait rien à y faire finalement, à part montrer qu'on était capable de le faire et montrer la puissance technique des États-Unis à réussir à poser un homme sur la Lune. Et bien maintenant, on a la même chose avec un autre acteur très puissant, très efficace pour l'instant, qui est la Chine. Et donc, il faut voir comment ça va évoluer. Les industriels privés qui arrivent, les Chinois, nul doute qu'ils auront aussi des privés qui vont faire ça. Peut-être d'autres industriels privés d'autres pays, peut-être l'Inde, hein, qui a déjà fait montre d'expéditions spatiales tout à fait étonnantes. Des acteurs comme les Émirats Arabes Unis, des pays qui voudraient avoir aussi des satellites pour leur télécommunication, pour l'observation de la Terre, à visée, disons, scientifique, mais aussi à visée peut-être militaire et de défense, et qui achèterait et qui nourrirait finalement cette industrie privée qui, bien sûr, pour survivre, il faut qu'elle soit rentable, il faut donc qu'il y ait de nombreux tirs. À l'époque, des satellites Spot, c'était des satellites qui faisaient 4 tonnes, puis la deuxième génération faisait 2 tonnes et demie, puis après on faisait 1 tonne, puis 500 kilos. Christophe Bonal. Et il y a même des petits satellites beaucoup plus petits. Hein, là, voilà, un gros appareil photo, 30 cm sur 10 sur 10, et qui alors a un champ de vision relativement limité, mais qui peut prendre des photos très très précises sur la Terre. Et là, ben, l'idée c'est de dire, ben, donc ben, on en met 500. Et comme ça, on en met 500 bien répartis autour de la Terre. Et l'idée là-dedans, c'est vous pianoter sur votre smartphone que vous voulez la photo de la piscine du voisin. Et ça, c'est quelque chose qui s'est énormément développé et qui n'était pas concevable une seconde il y a, je sais pas, 15 ans. Pareil pour les méga constellations d'Internet, comme le fameux Starlink de SpaceX, mais il y en a plusieurs autres comme ça, hein. Chez Blue Origin de Jeff Bezos, il y en a une en cours de développement en Chine, il y en a une en Europe, qui justement développe des nouvelles technologies, hein, au niveau communication Internet. Et donc là, par exemple, Starlink, bon, c'est des petits satellites. C'est pas des miniatures, hein, quand même. C'est 270 kilos. Bon, c'est déjà des beaux bébés. Et là, donc, pour le moment, ils en ont déjà lancé 1700. Le premier batch qu'ils ont le droit de lancer, c'est 12 000. Le deuxième, c'est 42 000. Puis il y a la concurrence Kuiper chez Amazon qui a le droit, je crois, à 38 000 ou quelque chose. Enfin, donc, on s'attend, le bientôt est relatif, mais on s'attend à avoir 100 000 nouveaux satellites de ces tailles-là. 100 000, c'est beaucoup. C'est vrai, clair, c'est monstrueux. Hein. Aujourd'hui, on a déjà énormément augmenté. Il y a 4 000 satellites actifs. Par exemple, il y a 10 ans, il n'y en avait que 1200. Vous voyez, donc on a une augmentation exponentielle ou plus qu'exponentielle. Alors la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ces satellites, quand même, leurs opérateurs sont réalistes. Ils comprennent la situation, ils comprennent la poule aux œufs d'or. Ils comprennent très bien que s'ils laissent dégénérer une situation en orbite, ben, c'est eux qui, les premiers, seront pénalisés. Donc, ce sont des satellites qui sont actifs et qui respectent scrupuleusement les notions de respect des 25 ans, par exemple. Hein, pour prendre Starlink, il est à 540 km d'altitude, il rentre naturellement en 15 ans. Il peut pas exploser, parce que bon, sa conception est très bien faite, il n'est pas dangereux à la rentrée, et surtout, donc, il a une aptitude, une capacité d'évitement de collision très très élevée. Alors bon, si on écoute Elon Musk, il n'y aura jamais de collision. Jamais, c'est pas beaucoup, hein, mais donc il y en aura. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est une situation qui est quand même relativement bien maîtrisée. Alors, maîtrisée aujourd'hui avec 1700. Demain avec 100 000, je dirais pas la même chose. Hein. Quand on voit les projets de constellations de satellites, comme de la constellation Starlink d'Elon Musk, il y en a d'autres, il y a d'autres projets qui envisagent de mettre 12 000 satellites en orbite basse et à terme 42 000 satellites en orbite basse. J'ai bien dit 12 et 42 000. On en a lancé depuis les origines 8 000. Vous voyez le changement d'échelle dans les lancements. Des satellites qui ne sont pas de grande taille, mais qui vont être là en orbite basse pour assurer une couverture Internet mondiale à tout endroit, y compris dans les endroits les plus reculés. Est-ce souhaitable? Voilà une question intéressante. Est-ce raisonnable? Voilà une autre question intéressante. Est-ce utile? Voilà une troisième question intéressante. Les bras vous tombent. On a l'impression qu'il va y avoir une pollution orbitale telle que, en gros, premier arrivé, premier servi, j'occupe la place, et puis les suivants, ils se débrouillent. Eh bien, il y a déjà eu deux situations où l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a dû déplacer d'orbite, manœuvrer ces satellites d'observation imposants, qui peuvent faire plusieurs tonnes d'observation de la Terre pour des visées scientifiques, parce qu'il y avait un risque trop important de collision avec un des satellites Starlink, dont la firme Starlink a négligé ou refusé de modifier quoi que ce soit dans leur orbite. Donc on voit qu'il y a une sorte de Far West, c'est peut-être pas encore ça, parce qu'il y a quand même malgré tout un certain nombre de règles qui s'appliquent dans l'espace. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais il reste quand même une sorte de Far West où premier arrivé, premier servi, où j'y suis, j'y reste, où je fais ce que je veux, et puis écoutez, débrouillez-vous. On dira ce qu'on voudra. Can't beat the view. Il n'y a pas mieux comme vue. Que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, ont des personnalités très affirmées, avec des visions. Mais néanmoins, ces personnes-là travaillent sur des contrats définis par les agences et les gouvernements. Dans le domaine de l'exploration, aujourd'hui, il n'y a pas d'activité rentable à très court terme. Jean Blouvac. Le fonctionnement de sociétés privées conventionnelles ne correspond pas au type d'activité à ce jour. Peut-être que si l'exploitation de l'espace se développe, et ce qu'on espère, qu'on continue à se développer, il y aura d'autres opportunités qui vont se créer. Et puis, il y a aussi des réflexions sur la façon dont le cadre légal de l'exploitation de l'espace doit se développer. Aujourd'hui, il y a le traité de l'espace de 1967 qui reste assez général et assez imprécis, mais des réflexions sont en cours pour essayer d'améliorer ces possibilités et mieux cadrer ces possibilités dans l'intérêt de tous. Il faut essayer de bien trouver des règles de fonctionnement de façon à éviter absolument les accidents, ce qui est la priorité absolue de tout le monde. Il y a une période où même lorsqu'il y avait des événements géopolitiques sur la Terre, les gens continuaient à travailler ensemble à l'intérieur de la station et c'était un relais possible de communication et de liens. Récemment, par exemple, la partie russe a amené un nouveau vaisseau qui est venu se greffer à la station. Lors de la mise en place de ce laboratoire, il y a eu un allumage de tuyères qui a fait faire des mouvements à la station spatiale qui n'était pas prévu, mais les équipes se sont immédiatement justement coordonnées, discutées, ont établi des liens pour une situation qui n'était pas prévue. Qui a donc été résolu en quelques heures. Et c'est l'exemple même du travail en coordination entre ces différents pays. Si le monde devient plus concurrentiel et plus commercial à longue échéance, il faudra que les règles et le cadre légal soient vus d'une manière plus générale. ISS, this is Houston. Parlez, Houston. Mission abort. Je répète, mission avortée. ISS, procédez à une évacuation d'urgence. Je travaille d'arrache-pied tous les jours pour essayer d'établir une législation. Mais par contre, il faut bien comprendre que cette législation, déjà, il est très difficile d'avoir une législation avec un effet rétroactif. Christophe Bonnal. Je prends un exemple. Par exemple, Musk, ses satellites Starlink, il les a développés il y a 10 ans. On va pas aujourd'hui lui dire, l'investissement, là, les quelques milliards que vous avez fait d'investissement, dommage, mais on arrête, vous n'avez plus le droit de lancer. Ça ne marche pas. Hein. Et donc, une législation forte doit forcément être national. Il n'y a pas de législation internationale à ce niveau-là. Une fois de plus, on ne peut pas imaginer une législation portée par un Russe ou un Chinois ou un Indien s'imposant aux Américains. Par contre, nous, on a réagi en ayant une loi spatiale très stricte. on prend notre bâton de pèlerin pour aller expliquer à tout le monde que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faudrait réellement travailler là-dessus. Mais bon, pour le moment, mais on progresse petit à petit. Notamment, on a un groupe qui s'appelle le IADC, Interagency Debris Coordination Committee. C'est ce que je surnomme le club des pollueurs. C'est le comité des 13 agences mondiales, spatiales dans le monde, qui sont capables de faire des débris. Et ça, et donc on se voit deux fois par an pour élaborer la réglementation, pour élaborer les bonnes règles et tout. C'est des réunions très très efficaces parce que très très amicales. On se comprend très bien, on a tous les mêmes soucis, donc on partage très bien. Et donc ça donne après les documents au niveau ISO, International Standardization Organization. Par exemple, je suis responsable du document sur les lanceurs, co-responsable avec un collègue chinois qui est vraiment très brillant et qui comprend très vite et qui aide beaucoup et qui est très positif. Donc ça, c'est prometteur, si vous voulez. Évidemment, là, je sais que le chinois, mais j'ai le russe, l'ukrainien, l'américain à la même table. Maintenant, on aura des très beaux textes, il faut les appliquer. Cette question des débris est extrêmement importante parce qu'elle met en péril la durabilité fonctionnelle d'un satellite. S'il se prend un petit morceau, un petit boulon à quelques kilomètres par seconde de vitesse relative, et kilomètres par seconde, c'est pratiquement 1 km par seconde, c'est 3600 km par heure, donc des vitesses considérables. Et les vitesses sont plutôt de 4, 5, 6 km par seconde. L'énergie du choc est suffisante pour mettre hors fonction, voire détruire complètement celui qui est frappé par le débris. On a trois événements redoutés, si vous voulez, au niveau des débris. Le premier, c'est les collisions en orbite, alors des petites, des grosses, qui tuent un satellite ou qui génèrent des gerbes de nouveaux débris. Le deuxième, c'est la rentrée aléatoire d'objets sur Terre, où là, c'est vraiment de l'épée de Damoclès, où on finira bien par tuer quelqu'un. Et le troisième, c'est la gêne vis-à-vis des astronomes. On a beaucoup de satellites en orbite qui réfléchissent le Soleil. Et donc, qui au milieu de la nuit, donc jusqu'à maintenant, c'était plutôt sympa. Par les belles nuits d'été, on regardait passer les satellites. Bon là, maintenant, il y en a tellement que c'est gênant, notamment pour les astronomes professionnels. Et là, heureusement, donc ça, c'est un sujet sur lequel on a pris ça à bras-le-corps. On s'est très bien expliqué, notamment avec les grandes constellations. Donc, par exemple, Starlink, ils ont modifié la définition de leur satellite, modifié la définition de leur trajectoire, en changeant la position du panneau solaire de manière à moins réfléchir le soleil. Ils se sont peints en noir mat de manière à moins réfléchir la lumière, et pourtant c'était assez compliqué. Et donc, on s'est donné un objectif de dire, ces satellites, ils sont acceptables s'ils ont une magnitude visuelle supérieure à 7. La magnitude visuelle, plus c'est élevé, moins on les voit. À l'œil nu, on voit quelque chose à magnitude 3, donc 7, c'est très faible. Donc si ça, c'est bien respecté, oh, c'est déjà pas mal. Mais donc voilà le genre de truc où on n'a pas légiféré, pas encore, mais rien que par discussion concrète avec eux, et les opérateurs ont très très bien compris le sujet. Et puis bon, c'est dans leur intérêt également de ne pas être montré du doigt tout le temps. Elon Musk, il est comme nous tous, il est complexe, il a des tas de qualités, il a des tas de défauts. Florence Porcel. Moi, ce que je vois, c'est qu'il fait des choses. Il a des propos qui sont problématiques, il a des idées et des projets qui sont plus ou moins faisables dans les délais qu'il donne. Mais en revanche, ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est ce qu'il a accompli. SpaceX, donc la société qu'il a fondée, a une petite vingtaine d'années. Il a fait rien de moins que révolutionner le monde du spatial et des lanceurs qui, jusqu'ici, avaient été la chasse privée, enfin, pas privée du coup, des agences gouvernementales, donc qui sont des agences publiques. Quand il est arrivé, il y a une petite dizaine d'années, dans un congrès, et qu'il a dit « Bonjour, je m'appelle Elon Musk, dans 10 ans, vous êtes tous morts », tout le monde a beaucoup rigolé et personne ne l'a pris au sérieux. Sauf que 10 ans après, tout le monde n'est pas mort, mais là, on vient d'apprendre quand même que Ariane Group supprimait 600 emplois en France parce qu'il faut faire face à la concurrence de SpaceX. Donc, il concurrence très directement nos Ariane. Et Ariane 6 a été conçu pour essayer de survivre à la concurrence de SpaceX. Et non seulement il est sur le marché des lanceurs et des satellites, mais aussi sur le marché des lancements de missions humaines avec son vaisseau spatial qui a effectivement emmené Thomas Pesquet dans l'espace. Donc il a accompli des choses et il les accomplit bien. Là, il vient d'accomplir le premier vol 100% touristique. Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever in human history. It would be so exciting to wake up in the morning and think that that's what's happening. On est au Far West mais avec des chefs. Si on en croit le droit spatial, ce droit pose entre autres comme principe celui de non-appropriation. Personne ne peut s'approprier l'espace. Jacques Arnoux. Globalement, l'espace a été déclaré par l'humanité bien commun de l'humanité, voire même patrimoine commun de l'humanité. Ça veut dire que nous, les humains, nous nous déclarons responsables de ce que nous faisons dans l'espace auquel nous accédons. Nous sommes responsables de l'espace extra-atmosphérique qui est autour de la Terre. Nous sommes responsables de la Lune lorsque nous y posons des sondes ou quand des humains y sont allés. Nous sommes responsables de Mars lorsque nous y posons des astromobiles. Cette idée de patrimoine commun, pour moi, est d'abord liée à la question de la responsabilité. Et donc, en posant cela, nous nous interdisons, en tout cas individuellement, de débarquer sur la Lune en disant « Voilà, ce lopin de Lune, c'est à moi, je mets des barbelés et au milieu de ces barbelés, j'installe un space food » ou un parc d'attractions, ou un hôtel pour les touristes, où je commence à exploiter les ressources minières éventuelles de la Lune. Ça, par rapport au droit, c'est inconcevable. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais attendez, c'est pas ce qu'on entend. Effectivement, c'est pas ce qu'on entend. Parce que depuis quelques années, sous l'influence, justement, d'un certain nombre d'acteurs du New Space, je pense surtout aux entrepreneurs privés, qui nous disent, eh bien, demain, nous allons faire du tourisme autour de la Lune. Alors on va aller se poser sur la Lune, on va proposer à nos touristes d'aller visiter les sites historiques Apollo. Alors là, on commence à poser des questions. Parce que d'abord, les Américains disent « Attendez, site historique, on a posé un LEM, il y a encore des drapeaux, sans doute un peu décolorés, mais n'importe qui ne peut pas aller se balader autour du LEM pour aller prendre des photos. Bon. » Alors les Américains avaient tenté à une époque de nationaliser les sites historiques. Ça n'a pas été accepté par les autres en disant « Bien sûr, c'est vous les Américains qui avez planté un drapeau qui est un drapeau de la victoire. » Ça ne signifie pas plus, jusqu'à présent. La question, c'est que si demain, effectivement, des entrepreneurs sont capables d'aller poser des engins et d'installer leur petit business d'exploitation, de restauration, de tourisme, je ne sais de quoi, c'est une forme d'appropriation. Un de mes amis juristes parle beaucoup des comptoirs, comme il y avait des comptoirs aux Indes, des comptoirs au Canada. Ça sera plutôt une démocratisation pour ceux qui ont les moyens. Donc, en gros, Elon Musk et ses 10 000 potes milliardaires ou centaines de millionnaires. Roland Lehoux. Et puis voilà, pour la partie matérielle et énergétique, pour l'instant, il faut tout monter de la Terre. Il n'y a absolument aucune compétence particulière à exploiter les minerais dans l'espace, que ce soit la surface de la Lune ou un astéroïde. Ces astéroïdes sont en orbite entre Mars et Jupiter, essentiellement. Donc, si on veut les exploiter, il faut aller loin. Ou alors, il faut se donner les moyens d'en détourner un pour le mettre en orbite de sorte qu'on puisse l'exploiter dans le système, disons, Terre-Lune. C'est pas fait, on ne sait pas le faire. Gérard O'Neill, c'est un ingénieur américain qui, dans les années 70, avec ses étudiants, s'est plu à imaginer des stations orbitales conséquentes, on va dire. À côté, la station spatiale internationale, c'est vraiment une toute petite chose. L'idée était de faire d'immenses cylindres en orbite autour de la Terre, d'immenses cylindres qui pourraient faire des kilomètres de rayon et des dizaines de kilomètres de longueur, donc des endroits où on pourrait accueillir des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes. Et comme il le dit donc dans le chapeau de l'article qu'il publie dans Physics Today, pour résoudre des problèmes de la Terre. Cet article est publié en 1974, 2 ans après le rapport du Club de Rome, à peu près 5 ans après la bombe P, la bombe population, publiée par Paul Ehrlich, qui s'inquiète de la démographie galopante de l'humanité. Le rapport du Club de Rome qui explique pour la première fois en grand détail que si l'humanité ne fait pas attention à la façon dont elle prélève les ressources énergétiques et matérielles et à la façon dont elle produit les déchets et gère ses déchets, elle va à la catastrophe. Il produit ce travail comme justification, enfin finalement en argumentant que C'est une porte de sortie, finalement. Là, c'est pas le coup de la planète B. Elon Musk nous fait plutôt le coup de la planète B. Oui, Mars, ça va être bien, on va pouvoir y aller tous ensemble. Ça m'étonnerait qu'on y aille tous ensemble. S'ils y vont, ça sera encore lui et ses 10 potes milliardaires. Là, l'idée, c'est de faire d'immenses bases dans lesquelles l'humanité pourrait trouver un exutoire à son développement à la surface de la Terre. C'est un rêve d'ingénieur d'une part, et d'autre part, ça tombe dans ce qu'on appellerait le technosolutionnisme. Il y a un problème, il y a donc une solution technique, et je vais vous la montrer, je vais la fabriquer. On était dans l'idée qu'on pouvait résoudre des problèmes de la Terre en allant dans l'espace. Et il est à craindre que ça ne soit pas si facile, tant matière et énergie nécessaires pour faire ces vastes projets sont en quantité si considérable que ça ne ferait probablement que précipiter les problèmes auxquels on doit s'attendre de raréfaction des ressources minérales et des ressources énergétiques dans un contexte où l'usage de ces ressources minérales et énergétiques produisent des déchets qui s'accumulent dans l'atmosphère en particulier, mais dans bien d'autres endroits, et produisent le réchauffement climatique en cours. Donc on est dans une solution qui pourrait être l'aiguillon de sa propre destruction. L'appel de l'espace n'est pas pour sortir d'une Terre qui ne va pas bien. L'avenir des humains, c'est la Terre, ça c'est très très important, et c'est probablement notre premier message. Nous, on est allés partout, on a découvert des morceaux de Terre partout, mais la Terre, il n'y en a qu'une. Sylvestre Maurice. Oui, on a parlé de technologie, on a parlé de politique, on a parlé de science, et pour moi, le plus beau des enjeux, c'est l'inspiration, le rêve, et on a beaucoup de chance, c'est que notre discipline spatiale fait rêver les gens. Les gens aiment l'espace, on les voit ici, ils défilent au CNES pour visiter les grands, les petits, et avec des yeux, à chaque fois on dit d'enfants. Je pense que c'est aussi notre rôle de faire rêver les gens. Et il faut penser qu'évidemment tous ces projets sont financés largement par les contribuables, et c'est une chose importante. Et quand on leur demande leur avis, ils disent « Est-ce que vous voulez aller sur Mars ?» Ils disent « Oui, oui, ça va coûter cher. » Ils disent « Oui, je préfère que mes impôts ils aillent là qu'ailleurs. » Ils n'ont pas forcément raison, parce qu'il faut aussi qu'ils aillent pour faire des ronds-points et des avions militaires. C'est aussi tout aussi important. Mais en général, on est plutôt l'exploration et à une sorte de bienveillance. Et il faut cultiver ça, parce que de cette bienveillance, eh bien, nous on voit chez les jeunes dans les universités, dans les écoles, des jeunes qui ont envie d'y participer. Alors, au début, ils veulent tous être astrophysiciens, puis à la fin, une grande majorité, ils sont ingénieurs dans le spatial, ingénieurs en aéronautique, et c'est très bien. Heureusement, il faut pas, ils veulent tous être astronautes, et à la fin, il y en a un, il y en a peut-être deux de temps en temps, mais c'est pas grave, ça va les pousser pour faire d'autres choses. Ce côté inspiration qu'offre l'espace est peut-être pour moi un des moteurs les plus importants. C'est un moteur qui fait du bien. J'ai presque envie de le comparer à la musique, à l'art en général, des choses dont on peut se passer. Eh ben, je pense que si on devait dire non à l'espace, ben on sentirait qu'il nous manque quelque chose. C'était La place de l'humain dans l'espace, avec Laure Boyer, Rémi Canton, Sylvestre Maurice, Florence Porcel, Audrey Berthier, Roland Lehoucq, Mauro Ogelli, Thévenon Aristé, Christophe Bonal, Jean Blouvac, Jacques Arnoux et Sylvestre Maurice. Merci au CADMOS, au CNES, au MEDES et à la Cité de l'Espace. Documentation musicale Virginie Gresset. Prise de son Hélène Langlois, mixage Pierre Henry, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Lydia Benitzrak. Astronaute, cosmonaute, taïkonaute ou simple mortel sur le plancher des vaches, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, on tentera de comprendre sur quel mécanisme repose l'inceste. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie, l'expérience et la nouvelle année qui s'annonce.